Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et le ratage de la semaine, c'est un attentat qui aurait peut-être pu être évité, celui qui a été commis à Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016, souvenez-vous. Il est 9h25 lorsque débute l'attaque. Deux hommes armés de couteaux, d'un pistolet et d'explosifs factices s'introduisent dans l'église en plein office par la porte de derrière. Les terroristes s'en prennent immédiatement au prêtre, ils le forcent à s'agenouiller puis l'égorgent. Ils blessent également très grièvement un homme. La BRI et la brigade anticriminalité de Rouen arrivent rapidement sur les lieux et se déploient autour de l'église. Après une tentative de négociation infructueuse, les terroristes sortent de l'édifice. Ils s'élancent alors vers les forces de police au cri d'Allahu Akbar. Tous deux sont abattus sur le parvis. L'attentat a été revendiqué par Daesh via son agence de propagande Hamak. Il a fait un mort, le prêtre Jacques Hamel, 86 ans, et un blessé grave dont le pronostic vital n'est plus engagé. Et alors, le jour même, Mathieu Suc, vous qui êtes journaliste à Mediapart, il y a les autorités judiciaires par la voix de François Molins qui font une déclaration. Et dans cette déclaration, nos auditeurs vont l'entendre, il y a un mot un peu bizarre. L'un des deux auteurs a été formellement identifié comme étant le nommé Adel Kermiche. Il apparaît que cet individu, qui n'a aucune condamnation sur son casier judiciaire, est toutefois connu de la justice antiterroriste, en ce que le 23 mars 2015, un membre de sa famille a signalé la disparition du jeune homme. Le jeune homme a été interpellé le même jour par les autorités allemandes, alors qu'il utilisait l'identité de son frère pour se rendre en Syrie. Alors, à l'époque, moi, j'avais pas vraiment percuté Mathieu Suc, mais en fait, François Molins dit tout, mais peut-être pas tout ce qu'il sait. Alors, si, je pense qu'il a juste, lui, connaissance du volet judiciaire. Juste, si je peux me permettre d'ajouter, parce que je l'ai pas écrit dans mes papiers, je l'ai retrouvé seulement il y a quelques jours, mais j'avais un de mes petits camarades de Mediapart qui était parti faire le reportage, comme tout le monde, à Saint-Étienne-du-Rouvray, et on avait mis la main à l'époque sur des conversations sur les réseaux sociaux, le 26, donc le jour où le prêtre Hamel est assassiné, et avant la conférence de Molin, c'est-à-dire que le nom d'Adel Kermiche est absolument pas connu, et il y a des gens sur Facebook, sur le Twitter, des jeunes du coin, de Rouen, tout ça, qui disent, oh là là, ça va être Kermiche, c'est forcément lui, son nom va sortir dans une heure ou deux. C'est vous dire si, dans la région, tout le monde connaissait l'embrigadement radical d'Adel Kermiche. Donc, ça veut dire quoi, concrètement, Mathieu Suc? Ben, ça veut dire que, mais comme pour beaucoup d'autres attentats, on a des gens qui sont connus, qui sont dans les radars. Alors, vous connaissez la polémique sur les fichiers S, à chaque fois on la ressort, les fichiers S, c'est juste une fiche de signalement, ça veut pas dire que l'homme va passer à l'acte, c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est sur les parcours des gens. On a quelqu'un qui, à deux reprises, va essayer de rejoindre la Syrie, qui se fait attraper à chaque fois, qui va en détention, on l'avait raconté lors d'une première enquête quelques mois après les faits, et qui est au contact uniquement de très gros terroristes, des gens condamnés ou mis en examen sur des très gros dossiers. Il ne fréquente que ces gens-là, et il sort, il va créer, et là on s'approche du cœur de notre sujet, il va créer une chaîne sur la messagerie cryptée Telegram, où il va tenir des propos extrêmement durs, et qui témoigne de la poursuite de sa radicalisation et de ses volontés de commettre un attentat. Donc l'ensemble est quand même très désagréable pour la lutte antiterroriste et pose question sur qu'est-ce qui n'a pas été. Voilà, alors ce qui veut dire que concrètement, trois services de renseignement avaient repéré Kermiche, donc l'un des tueurs du père Hamel. Alors ça, moi je l'ai découvert récemment, en fait c'est suite à nos révélations, il y a une enquête de l'IGPN, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour voir ce que savait la DRPP, je vais vous expliquer ça. Et dans le cadre de cette enquête de l'IGPN, on découvre que deux autres services savaient. Mais alors, pour revenir peut-être chronologiquement, le 4 janvier dernier, nous allons révéler sur Mediapart que la DRPP, c'est les anciens RG parisiens, renseignements généraux parisiens, travaillent. Il y a des espèces de veilles informatiques et il y a un brigadier qui est en train de surveiller des comptes sur les réseaux sociaux. Il tombe sur la chaîne Telegram d'Adel Kermiche. Il trouve le contenu assez alarmant. Il fait deux documents, une note destinée à être transmise parce qu'il voit que ça se passe en Normandie et que la DRPP est compétente qu'en région parisienne. Donc il fait une note qui doit être transmise après à la DGSI pour qu'il puisse travailler dessus et il l'intègre dans un fichier qui est l'espèce de mémoire vive du service de la DRPP. Et ce qu'on révèle, c'est que, en fait, on est en fin juillet, il y a tout un système de validation assez lourde. Il faut qu'il y ait toujours deux chefs par niveau qui valident pour que ça puisse monter à l'étage au-dessus au sein de la DRPP. Et ce jour-là où il transmet sa note, il y a cinq chefs, il doit toujours en avoir deux, et là, il n'y en a qu'un. Les autres sont tous en vacances, donc il y a une seule validation. La note se perd. Quand un deuxième chef arrive le lundi, rentre de congé, il a plein d'autres choses à faire, il ne voit pas la note, et le lendemain survient l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et c'est ça en fait qui est assez extraordinaire dans ce que l'on découvre, parce que finalement on se dit que si cette note était arrivée à temps, avec moins de personnel en congé, eh bien peut-être que cet attentat aurait pu être évité, Mathieu Suc. Alors, j'évite de réécrire l'histoire, c'est plus facile après quand on connaît la fin. J'ai toujours pris garde dans mes papiers, on a porté la plume dans la plaie, si j'ose dire, plusieurs fois sur les services de renseignement. J'ai toujours évité de dire ça. Il est vrai que dans ce cas-là, il y a quand même énormément d'informations qui, toutes coordonnées, auraient peut-être permis d'éviter ce drame. Mais là, pour le coup, c'est pas la faute seulement de la DRPP, parce que je publie de nombreux témoignages de gens à l'intérieur de ce service et l'un d'eux me dit « mais le problème, c'est la lourdeur des validations et quand bien même il y aurait eu ce chef-là, il y avait encore un ou deux autres étages, le temps que ça arrive, il aurait fallu plusieurs journées. » Bon, alors, ok, donc j'évite de vous faire de la politique fiction parce que ça, je comprends bien que, de toute façon, c'est trop facile de dire, évidemment, on aurait pu éviter cet attentat. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous pensez que des hommes comme Kermiche, qui sont repérés par l'antiterrorisme, qui tiennent ce type de propos sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup ? Alors, de moins en moins, le ménage a été fait. Il faut se souvenir, à la décharge des services de renseignement, c'est que là, on est en juillet 2016, et les djihadistes, en fait, s'adaptent à la réponse qui sont apportées par les États. Au départ, ils étaient sur Facebook, ils ont vu qu'on les surveillait très facilement et que ça leur posait problème, ils ont été sur Twitter, et après, ils arrivent sur Telegram. Et c'est vraiment, à ce moment-là, les débuts de Telegram, cette utilisation-là. Donc, il y en a pléthore, mais Kermiche est très intéressant pour tout ce qu'on a dit avant. Et maintenant, le ménage a été fait. Et juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il est tellement intéressant, et ça, moi, je l'ai découvert après la publication de mon papier. Je savais qu'il y avait un problème sur ce service de renseignement parisien. Ça faisait un an que je cherchais à me faire confirmer tout ça. Mais ce que j'ai découvert avec l'enquête de l'IGPN déclenchée suite à nos révélations, c'est que il n'y avait pas qu'un seul service, mais trois services qui étaient en train de surveiller Kermiche, trois services de renseignement qui trouvaient qu'il y avait des choses bizarres. Donc c'est la DRM, c'est le service de renseignement militaire qui est spécialisé sur la technique et tout ça, et qui regardait de très près, vu qu'ils ont fait trois notes qui ont été transmises, à la différence de la DRPP qui va laisser dormir sa note pendant quatre jours. La DRM va transmettre trois notes à l'instant T, et les renseignements territoriaux, qui sont un petit service, qui là aussi né de la fusion des renseignements généraux, qui ont très peu de moyens, qui ne faisaient pas véritablement de veille informatique sur les islamistes radicaux, qui s'y mettent quelques semaines avant que ça arrive, eux, ils tombent dessus, et en moins de 24 heures, ils font une note et ils la transmettent. Et il y a plus terrible, c'est ce qu'on a rappelé dans des articles suivants sur ce scandale, c'est que il y a, à ma connaissance, deux particuliers, c'est-à-dire vous et moi, qui vont regarder sur Internet, qui s'intéressent et qui s'inquiètent du phénomène du djihad, et qui tombent sur la chaîne Telegram, et qui font des signalements aux forces de l'ordre. Mais comment vous faites pour tomber sur une chaîne Telegram? Parce que moi, je pensais que cette messagerie, elle était cryptée et que du coup, pour voir ces messages, alors, bah, il fallait être dans la boucle. Elle était cryptée et il a fallu un peu de temps à certains services de renseignement occidentaux pour arriver à casser des messages vraiment secrets. Mais elle est cryptée que quand, par exemple, entre vous et moi, nous échangeons des messages. Et là, il y a des verrous informatiques, et c'est très dur à espionner nos échanges à tous les deux. En revanche, Kermiche, à la création de sa chaîne, met tout en libre accès. Donc il vous suffit de surfer exactement comme si vous surfiez sur Twitter ou Facebook pour tomber sur les contenus. Et d'ailleurs, on l'avait écrit dans un papier, l'ASDAT, le service de police judiciaire qui va enquêter après l'assassinat du père Jacques Hamel, va regretter amèrement, et c'est assez rare de donner des commentaires de la sorte dans un PV dont la rédaction est toujours froide, va dire c'est quand même dommage, il y avait tout à portée de main. C'est-à-dire tout le contenu était accessible. Pour moi, pour vous, pour des enfants, n'importe qui allait sur Telegram dans le cas de Kermiche, c'est vraiment spécifique, était là-dessus. Et il y a un deuxième drame qui va jouer, qu'on avait déjà raconté il y a un an dans Mediapart, c'est que Kermiche, avec celui qui va être son complice, ils se rencontrent quelques jours avant sur les réseaux sociaux. Et donc ce complice qui s'appelle Abdelmalik Petitjean est en contact avec un djihadiste appelé à être célèbre parce qu'il a commandité plusieurs attentats, c'est Rachid Kassim. Et là, quand Petitjean communique soit avec Kermiche, soit avec le commanditaire de l'attentat, il est sur Telegram, mais sur la version cryptée. Or, les Américains commencent à arriver à craquer ces messages et tombent sur les messages entre Petitjean et Kassim. Ils voient qu'il y a un attentat qui se prépare en France, ils alertent la DGSI. Et la DGSI ne connaît pas Petitjean, qui était pour le coup beaucoup moins connu et avait beaucoup moins d'antécédents que Kermiche, et ils vont faire une diffusion à tous leurs services pour voir si quelqu'un le connaît. Et là, mais malheureusement c'est un drame de la vie, il y a une seule personne, parce que Petitjean est fiché S, il y a une seule personne qu'il connaît, c'est l'agent de la DGSI qui est à Clermont-Ferrand, là où vit Kermiche, et qui l'a dans son portefeuille, si j'ose dire, de fiché S. Et cet agent est en vacances. Et le signalement sur « reconnaissez-vous cet homme sur la vidéo, on ne sait pas qui c'est », bah, celui qui est en vacances, et il ne va pas le recevoir sur son portable. Et donc la seule personne qui pouvait identifier Petitjean ne pourra le faire que rétrospectivement. Mais vous voyez bien que, mis bout à bout, on est en train de dire que quatre services de renseignement, donc trois sur Kermiche, un quatrième, la DGSI, sur Petitjean, aidé par les services de renseignement américains. Donc ça fait cinq. Plus deux parties privées qui font des signalements. Je veux dire, là, c'est pas une faille, c'est pas un trou dans la raquette, c'est un trou béant. On a quand même la quasi-intégralité des services de renseignement, à l'exception de la DGSE à ma connaissance, qui travaillent sur l'un des deux tueurs dans la semaine qui précède le meurtre du père Hamel. On a des infos suffisantes, peut-être, si ça avait été mis en commun, pour les arrêter. Et malheureusement, ils vont tuer le prêtre. Une dernière question à laquelle vous n'aurez pas de réponse, Mathieu Sugg. Vous voyez, je suis optimiste. Il y a une énième réforme des services de renseignement qui est faite, probablement d'ailleurs en partie du fait de ces gros trous dans la raquette, comme vous l'avez dit. Est-ce que, d'après vous, cette réforme, elle est satisfaisante? Pas, on n'a pas assez de recul. Bah enfin, voilà, vous l'avez dit. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y a la cellule à latte dans laquelle, c'est paradoxal ce que je vais vous dire, on transitait les infos qui étaient transmises par des services dans le cadre du père Hamel, mais qui étaient balbutiantes, et peut-être qu'il y a eu des loupés. Cette cellule, qui est une création des services, c'est-à-dire que ce n'est pas le politique qui a voulu, cette cellule fonctionne, me dit-on, à l'heure actuelle, très très bien, et ça s'améliore, la coordination. Les hommes ont compris que il fallait pas se battre sur qui réalisait l'affaire, mais que la priorité, c'était d'empêcher un attentat. Moi, je pense, plutôt que faire une énième, enfin, on est en train de superposer les réformes, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un vrai contrôle sur les services de renseignement. Vous vous rendez compte qu'il a fallu, sur le cas de Saint-Étienne-du-Rouvray, un an et demi et un article de Mediapart pour que le juge d'instruction en charge de l'assassinat du père Hamel, le parquet antiterroriste et vraisemblablement les autres services de renseignement apprennent qu'un service de renseignement parisien travaillait depuis 6 jours ou 5 jours sur ça. Faut s'inspirer, je pense, par exemple, de ce que font les anglo-saxons. Vous regardez sur les attentats, les commissions d'enquête parlementaires faites par les Anglais, les Américains, c'est l'exemple que je donne toujours, après le 11 septembre, bien sûr, on est sur des services secrets et des choses doivent rester secrètes. On ne peut pas tout dire pour pas mettre dans l'embarras des alliés, pour pas griller des sources. Mais quand vous avez 230 morts comme en France en 2 ans ou quelques milliers aux États-Unis, on est en droit, nous, citoyens, de savoir un peu ce qui se passe et je ne dis pas qu'il y a une obligation de résultat, mais au moins une obligation de moyens. Et je vous invite à regarder, si vous avez le temps un jour, le rapport de la commission d'enquête sur le 11 septembre. Les Américains, on sait tel jour pourquoi Oussama Ben Laden n'a pas été droné, qui était présent autour de la table et quels étaient les arguments des uns et des autres. On avance quand même dans quelque chose. Nous, en France, on a cette culture du secret au sein des services de renseignement. Les politiques qui s'y intéressent ou qui cherchent à s'y intéresser n'y arrivent pas. Et prenons même mon petit exemple. On sort le papier sur Saint-Étienne-du-Rouvray le 4 janvier. Le 5, la préfecture de police communique à plusieurs de mes petits camarades qui sont en train de virer ma supposée source, et bien sûr, je n'en aurai qu'une, alors que je passe mon papier à raconter, à sortir différents témoignages et à montrer que j'ai vu beaucoup de monde. Et la première réaction de la préfecture de police, c'est pas de vérifier si ce que je dis est vrai ou faux, s'il y a un scandale ou pas, mais c'est de chasser celui qu'ils estimeraient, pour des raisons qui m'échappent, être un lanceur d'alerte. On voit bien qu'on a encore beaucoup de travail à faire sur ces questions. Merci beaucoup Mathieu Suc. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart. Superfell a été foiré à la production par Anaïs Isebaer, piétiné à la technique par Clément Daté, complètement raté à la réalisation par Alexandre Fougeron. Superfell.